professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici comme chaque jour de cette semaine conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment la vraie arme de domination européenne dans le monde n'est pas la conquête militaire, mais la dette ? Comment le canal de Suez est-il devenu l'artère majeure de l'Empire britannique ? Comment l'abolition des distances accroît-elle le nombre d'acteurs en interaction immédiate à un moment où le poids des opinions publiques compte de plus en plus ? Qu'est-ce que l'affaire des officiers turco-circassiens en Égypte ? Comment joue la diplomatie de la canonnière ? Comment pèse la question du renforcement des fortifications d'Alexandrie ? Et qui sont les Levantins ? Pourquoi le prestige européen entre en jeu ? Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, poursuit son cours pluriannuel consacré aux provinces arabes de l'Empire ottoman et plus particulièrement au grand tournant impérialiste et nationaliste des années 1880. Depuis plusieurs cours, nous suivons les multiples enjeux et acteurs de la révolution égyptienne de 1880-82. Nous avons vu dans les cours précédents que la peur provoquée par le panislamisme avait été l'un des ciments de l'action conjointe franco-britannique en 1881. Or, le mouvement de contestation des nationalistes égyptiens remet en cause tous les instruments de domination des Européens qui craignent le non-paiement de la dette égyptienne. La France et la Grande-Bretagne souhaiteraient un retour du régime khédivial autoritaire avec quelques réformes et éventuellement une amorce d'un système représentatif. Aux yeux des Européens, les régimes autoritaires garantiraient leurs intérêts. Ils craignent aussi la figure du rebelle et héros national, Ourabi. Dans son livre « Les Orientales », Henri Laurence résume ainsi la situation que nous suivons à partir de ce matin. Le 20 mai 1882 commence la démonstration navale franco-britannique. Le but de l'intervention est de maintenir l'autorité de Toufik face au parti national et d'interdire toute restauration de l'autorité directe de la porte, entendez l'Empire ottoman. L'abandon de la candidature du prince Halim est une concession française à la Grande-Bretagne. Freycinet s'inquiète des premiers signes de désunion entre les deux puissances. Le projet des deux puissances est d'obtenir l'éloignement d'Ourabi Pacha et la constitution d'un gouvernement de Chérif Pacha. En revanche, explique encore l'historien, la France est hostile à l'envoi de forces terrestres en Égypte que suggèrent les Britanniques. Contrairement à l'attente des deux puissances, le parti national reste au pouvoir. Paris demande alors à la porte de désavouer les révolutionnaires égyptiens. Il faut passer par une conférence des ambassadeurs à Constantinople et par l'envoi d'un commissaire du sultan en Égypte, Dervish Pacha. La porte accepte l'envoi, mais refuse la conférence. L'Allemagne soutient la position du gouvernement ottoman et montre les limites de l'intervention du sultan. Mais avant de découvrir les manœuvres franco-anglaises et la diplomatie de la canonnière, nous retrouvons le contexte de la première mondialisation au début de 1880 et la question de la libre circulation. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 4 janvier 2017 pour le cours d'Henri Laurence, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du 19e. Aujourd'hui, la question égyptienne et le prestige européen. Cette liberté totale de circulation s'atténuera au début du 20e siècle, mais ne s'arrêtera définitivement qu'en 1914. Et jamais le monde ne retrouvera cette liberté de circulation qui a existé entre les dernières décennies du XIXe siècle et le début du XXe. C'est pour ça qu'on parle aussi d'une mondialisation des empires. Parce que, évidemment, c'est toujours vers 1880 que les empires coloniaux deviennent des empires. D'abord parce qu'on commence à les appeler comme tels à ce moment-là. D'où le contresens que l'on peut faire parfois quand le mot impérialisme apparaît dans le domaine colonial, toujours aux alentours de 1880. L'impérialisme n'est pas à ce moment-là une volonté d'étendre géographiquement des empires, de les étendre. Il s'agit d'en renforcer la cohésion interne. L'impérialisme est une idéologie britannique qui, dans son premier sens, est la volonté justement de renforcer les liens entre les dominions, qui pourraient avoir tendance à se séparer de la mère patrie, et la mère patrie. Donc c'est un projet de constitution, d'institution dite impériale, qui serait commune à la Grande-Bretagne et à l'ensemble des dominions, puisque les dominions sont de plus en plus indépendants de fait par rapport à la mère patrie. Alors certes aussi, 1880, c'est le début de la ruée vers l'Afrique, le Scramble for Africa, et ce qui donnera l'illusion historique d'une compétition acharnée pour s'emparer des dernières terres qui n'étaient pas sous le contrôle ou la domination européenne. Mais il faut bien voir que dans le Scramble for Africa, la motivation essentielle est une motivation de pouvoir. On n'est pas une grande puissance si on n'a pas des colonies. Mais ce n'est pas des raisons économiques, parce que l'Afrique noire, ça ne rapporte rien. Et c'est plutôt une charge financière pour les puissances coloniales. Alors on essaye de faire croire aux opinions publiques que ça rapporte, mais économiquement, non. L'impérialisme est une manifestation de puissance. Elle n'est pas une recherche de ressources économiques, en tout cas, dans cette période. Ce qui est la vraie arme de la domination européenne dans le monde, c'est pas la conquête militaire, c'est l'endettement. L'essentiel des grands pays non occidentaux sont de plus en plus endettés envers la finance européenne, et c'est par le biais de la finance que l'Europe prend le contrôle de l'Empire ottoman, de l'Égypte, de l'Iran, enfin de la Perse, de la Chine, etc. Les seuls qui échappent à l'endettement, ce sont les Japonais, parce qu'ils ont compris. Et donc ils n'auront pas de recours à la finance européenne. Et donc, l'endettement est un endettement qui fait correspondre au projet de domination européenne des millions de petits créanciers européens, puisque les portefeuilles des bourgeois français, anglais et autres, mais surtout français et anglais, sont largement partis composés de dettes ottomanes, de dettes égyptiennes, de dettes chinoises, etc. D'où le fait que les créanciers représentent des groupes de pression pour les gouvernements des sociétés démocratiques. Puisque, évidemment, ce sont aussi des électeurs, sans parler du fait que certains hommes politiques peuvent avoir une partie de leur économie en dette orientale. Ne serait-ce que le premier ministre britannique, Gladstone, dont une partie importante du patrimoine est en dette égyptienne. Donc, c'est le mécanisme de l'endettement qui pousse à la domination et qui, en même temps, crée la volonté, enfin, un soutien politique dans les pays démocratiques ou libéraux pour la domination européenne. Alors, en France, on a un très mauvais souvenir de ça parce que ça rappelle l'expédition du Mexique sous Napoléon III, qui avait été lié à des questions de la dette mexicaine. Mais si vous avez le groupe des créanciers, vous avez les géopoliticiens, puisque c'est à peu près dans cette période que cette discipline est inventée. Et en tout cas, les Anglais ont parfaitement compris que le canal de Suez était devenu l'artère majeure de l'Empire britannique. D'où, d'ailleurs, la justification. On disait que Palmerston avait eu raison de s'opposer à la création du canal de Suez parce que c'était un danger pour l'Empire britannique. Mais une fois qu'il existe, il faut que nous en prenions le contrôle. Nous avons été opposés à sa construction. Maintenant qu'il est là, il faut qu'il soit entre nos mains. Alors, une des raisons de l'importance du canal de Suez, c'est le charbon. Les routes des Indes et de l'Extrême-Orient, ce sont des routes de dépôt de charbon. Puisque toute la marine commerciale est maintenant une marine de navigation à vapeur. Seuls les voiliers prennent encore la route du Cap et du contournement de l'Afrique, parce qu'ils ne sont pas liés aux dépôts de charbon. D'où, par exemple, vous savez, les fameux clippers de la fin du XIXe siècle, qui sont la dernière expression des grands navires à voile avant leur disparition au début du XXe siècle. Mais donc, Suez, la route de Suez, c'est une route de dépôt de charbon qui continue par Aden, etc., jusqu'à l'Inde et la Chine. La voile ne sert plus que pour accéder aux régions inaccessibles aux vapeurs, faute de dépôt. Alors, le statut juridique de la Compagnie du Canal est très ambigu. C'est une compagnie qui est universelle, donc on dirait aujourd'hui internationale, qui n'a qu'une concession de 99 ans par rapport à la date d'ouverture, qui est donc 1869. Et en dépit de l'achat de l'action des actions du Khedive par le gouvernement britannique, la direction de la compagnie reste largement française. Et sa neutralité politique n'est qu'une neutralité de fait. Durant la guerre de 1877-78, la France et la Grande-Bretagne ont fait savoir à la Russie qu'il était interdit de se rapprocher du canal de Suez. C'était un casus belli pour les deux grandes puissances maritimes que de voir des navires de guerre russes à proximité du canal de Suez. Mais c'est tout, parce qu'il n'y a pas de statut juridique assuré. D'ailleurs, les Russes ont bénéficié durant toute la guerre dans l'Empire ottoman du maintien des capitulations. Alors, dans le jeu de l'Égypte, il est là. C'est que le mouvement de contestation qui s'est développé depuis 1880 en Égypte remet en cause tous les instruments de la domination européenne, même si les acteurs égyptiens disent le contraire. Dans le réel, les Européens ne se font pas d'illusions. Si un vrai mouvement national avec l'Égypte aux Égyptiens se prononce, le danger est de voir les Européens chassés d'Égypte et de voir, à un moment ou à un autre, un non-paiement de la dette égyptienne. Et donc, ce que souhaiterait la France et la Grande-Bretagne, ce serait un retour à un régime qui est divial autoritaire, qui pourrait faire quelques réformes, comme au temps du premier ministériat de Riaz Pacha, avec éventuellement l'amorce d'un système représentatif comme à l'époque de Sharif Pacha. C'est là tout le problème qui dure jusqu'à aujourd'hui, soyons clairs. Nous avons toujours une préférence pour les régimes autoritaires dans ces pays-là parce qu'ils maintiennent l'ordre et garantissent nos intérêts. Et alors évidemment, on a des problèmes quand ces régimes se tombent. Et c'est encore plus embêtant quand les gens contestent ces régimes ont nos propres idées. Donc on est vraiment embêté à ce moment-là. Alors, on ne pense pas encore au printemps 1882 à une intervention militaire. Mais on a tout à fait une caractéristique de ce qui deviendra la règle dans le Moyen-Orient du XXe siècle et début du XXe siècle, c'est-à-dire de l'erreur de calcul. C'est-à-dire qu'on a une telle multiplicité d'acteurs et de facteurs qui sont en jeu que les erreurs de calcul deviennent prennent un aspect systémique. Alors avant, ça existait aussi. Mais quand il fallait 3 semaines ou 15 jours pour qu'une nouvelle vienne du Caire à Londres et à Paris, on avait le temps de réfléchir. Parce que de toute façon, quand on prenait une décision à Paris ou à Londres, les choses avaient déjà changé sur place. Mais maintenant qu'on est en temps réel, on n'a plus ce coussin d'amortissement qu'il y avait dans les époques précédentes. Alors, dans les dossiers égyptiens, les dépêches des agences de presse, c'est-à-dire les deux grandes agences de presse mondiales qui existent à l'époque, l'agence Reuter et l'agence Havas, la française, enfin l'anglaise c'est la Reuter et l'Havas c'est la française évidemment, jouent un grand rôle. On sait depuis la fameuse dépêche d'Ems de 1870 combien certaines dépêches de presse tronquées peuvent déclencher une guerre. Et donc, la situation est qu'au Caire, les consuls sont maintenant constamment en relation avec leur ministère par télégraphe et réciproquement. Et de la même façon, une décision peut être prise immédiatement puisque les navires de guerre sont plutôt destinés dans cette période à rester dans les ports en attente d'instructions. Parce que quand ils sont avant l'arrivée de la TSF au début du XXe siècle, quand ils sont en mer, on ne peut plus joindre les bateaux. Donc les bateaux de guerre, ils sont dans les ports en attente du télégraphe qui donnera des instructions. Mais inversement, à partir du moment où les navires de guerre sont dans les ports en attente d'instructions, un simple télégramme peut les faire partir à destination de tel ou tel pays, de tel ou tel port. Etc. Là encore, le degré de réaction est infiniment plus rapide que dans les époques précédentes, où, je vous rappelle par exemple, la flotte française et britannique en 1828 avait coulé par erreur la flotte ottomane. C'était un accident. Et contraire aux instructions. Ça, c'est plus possible en 1882 parce qu'on est toujours en relation télégraphique quand on est une liaison à terre avec la métropole. Donc, l'abolition de la distance accroît le nombre d'acteurs en interaction immédiate à un moment où les poids des opinions publiques comptent de plus en plus. Alors, le mécanisme de la crise, c'est le fait que Londres et Paris n'arrivent pas à définir une politique commune. Évidemment, toutes les deux des pays sont hostiles au mouvement national parce qu'ils considèrent qu'ils contestent la présence européenne, mais on ne sait pas quoi faire. Et en plus, l'Angleterre est très préoccupée par l'affaire irlandaise. C'est le 7 mai 1882 que la responsable en charge des affaires irlandaises est assassinée à Dublin par les membres d'une société secrète irlandaise, ce qui est un choc traumatique pour la Grande-Bretagne. On considère aussi que c'est le début de ce qu'on appellera le terrorisme en Europe de l'Ouest, si on ne considère pas le carbonarisme des périodes précédentes. C'est l'Irish Brotherhood qui a fait l'attentat, c'est-à-dire l'ancêtre de l'IRA. Mais donc cet attentat est un véritable traumatisme, d'autant plus qu'on a un gouvernement libéral à Londres qui était plutôt favorable à certaines revendications irlandaises. Du coup, Gladstone est obligé d'avoir une politique de fermeté dans le dossier irlandais et ça s'implique aussi sur les autres dossiers, en particulier dans le dossier égyptien. Et donc, en Égypte, on était dans le suivi de ce qu'on avait appelé l'affaire des officiers turco-circassiens qui avaient été accusés d'avoir cherché à assassiner les leaders du mouvement national. Ils avaient donc été condamnés à des peines d'exil. Et le calife avait essayé de s'opposer en disant que comme c'était des officiers supérieurs, il aurait fallu le jugement du sultan Abdulhamid, puisqu'à ce rang-là, le sultan avait une responsabilité, et puis on avait transigé, et donc on avait accepté de ne pas les envoyer au Soudan, où il fait vraiment mauvais, même pour des Égyptiens, et de les exiler ailleurs qu'en Égypte. Mais le problème est de savoir, et c'est là où le contentieux se construit, si ces officiers condamnés restent inscrits dans l'armée égyptienne ou s'ils sont chassés de l'armée. Et Tewfik, donc le calife, fait appel au consul pour demander de s'opposer, de le soutenir dans son opposition à l'élimination des officiers. Et dans ce moment-là, les mouvements nationaux ont dit « Mais si vous laissez au calife le contrôle de la situation, la sécurité des Européens en Égypte va se trouver remise en cause. » Donc c'est la menace permanente, c'est l'enjeu, si vous voulez. À ce moment-là, il y a des milliers d'Européens en Égypte, leur sécurité pourrait être mise en cause. Alors chacun des partis, c'est-à-dire le calife ou le mouvement national, dit « Si vous ne me laissez pas le pouvoir, la sécurité sera en cause, non pas de mon fait, mais du fait de la compétence ou de la méchanceté de l'autre partie. » Donc les consuls s'adressent au Conseil des ministres pour savoir si la vraie menace, et la menace existe ou non, et les ministres répondent vertueusement que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, le gouvernement, tenu par le mouvement national, appelle à la convocation de la Chambre des notables sans l'accord du Khedive pour saisir la Chambre des députés ou des notables des situations d'urgence dans lesquelles se trouve le pays. Alors donc, on est dans une situation que les consuls considèrent comme révolutionnaire puisque une telle réunion de la Chambre pourrait conduire à un vote de déchéance du Khedive. Et il faut faire quelque chose. Et donc, c'est une série de télégrammes qui sont envoyés entre les consuls Paris et Londres pour savoir ce que l'on doit faire. Et finalement, Paris et Londres décident d'envoyer un détachement naval au large d'Alexandrie afin d'assurer la sécurité des Européens. Ce qui est un problème un peu compliqué parce qu'on ne va pas faire remonter jusqu'au Caire la navire de guerre. Alors Salisbury disera plus tard dans les années 1895 à propos des Arméniens que malheureusement les navires de guerre ne franchissent pas le Taurus. Dans le cas précis, la diplomatie de la canonnière est un instrument de pression sur un gouvernement. Mais quand vous avez une situation d'opposition entre deux forces politiques, on ne sait plus sur qui on fait pression. Et il y a donc confusion, à moins d'avoir les moyens de faire un débarquement armé pour intervenir sur place. Donc, la seule décision qui est prise à ce moment-là est de faire la concentration navale française et britannique en Crète, dans la baie de la Soude, la Souda, qui est un des plus beaux ports naturels de la Méditerranée. Aujourd'hui, c'est une base de l'OTAN. Et donc, de concentrer les navires de guerre des deux pays pour ensuite les envoyer au large d'Alexandrie. Alors évidemment, l'annonce qu'un mouvement naval franco-britannique est lancé se répercute sur la vie politique égyptienne. Et les tensions montent, mais là encore, on ne peut pas considérer que le clivage entre turco-circassiens d'un côté et égyptiens de souche fella est un clivage complètement opérant. Vous avez un clivage modéré radicaux. Il y a plus de modérés chez les turco-circassiens que chez les fella, mais on en trouve dans les deux catégories. Le gouvernement favorable au Parti national dit qu'il est prêt à démissionner, mais que s'il démissionne, il n'est plus garant de la sécurité des Européens. Toujours la fameuse menace. Et finalement, c'est Abdulhamid qui dit que cette histoire d'officier n'a aucune importance et qu'il faut qu'on calme la situation. Le ministère est maintenu et les officiers partiront discrètement à l'étranger. En tout cas, le 18 mai 1882, les navires de guerre français et britanniques arrivent au large d'Alexandrie. Et évidemment, s'ils sont devant Alexandrie, ils sont aussi à Alexandrie même, puisqu'ils sont reliés par câble. Enfin, l'un des navires, au moins, est relié par câble au réseau télégraphique égyptien qui lui est même connecté à l'Europe. C'est-à-dire que maintenant, les amiraux sont en contact direct avec leur ministère de la Marine à Londres et à Paris. Et tous les mouillages ne se comprennent que par la possibilité de se reconnecter au réseau télégraphique local, lui-même connecté au réseau mondial. Alors, Blount à Londres s'occupe et s'active pour prendre la défense d'Ourabi. Il s'adresse en même temps aux Égyptiens pour faire un front d'unité nationale, sinon l'Égypte sera annexée par les Britanniques. Alors, lui, il n'est pas dupe parce que tous ces conseils diplomatiques que Blount envoie de Londres aux leaders du mouvement national, il sait parfaitement que le gouvernement britannique en a communication. Et de même qu'il a communication des réponses de ses interlocuteurs par télégraphe. Donc il fait exprès, justement, de faire dire des choses pour que les autres répondent, en sachant pertinemment que ce qui est important, ce n'est pas la réponse qu'il reçoit lui, mais la lecture que son gouvernement fait faire des télégrammes qu'il reçoit d'Égypte. Ça, c'est les prodiges de la communication moderne. Et de l'autre côté, notre ami français, le Suisse Ninette, John Ninette, entretient une correspondance avec Blount pour lui affirmer que tout est calme en Égypte. Et Ninette entretient une campagne de presse en Europe pour expliquer qu'il n'y a pas du tout de désordre en Égypte, tandis que les correspondants de la presse britannique en Égypte, qui eux sont liés aux colonies européennes, expliquent le contraire, pour attirer justement l'attention. Et alors c'est dans ce thème-là que, dans les articles de Ninette, qu'on trouve ce qu'on trouvera jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le thème du deux poids, deux mesures. Arabi disait à un ami intime hier, « Voyez ce que font les Irlandais en Irlande. À tort ou à droit, ajoutait-il, on y tue, on y assassine chaque jour des personnages appartenant à toutes les sphères de la société. » Selon moi, ces actes se passeraient à peine dans les montagnes du Tibet. Eh bien, est-ce que le Times demande une intervention armée? Non, il s'en garde bien. C'est pour l'Égypte qu'il réserve ses colères lorsqu'un Anglais arrogant qui a battu un ânier en reçoit un coup mérité. Les Anglais et les Irlandais ont le privilège des meurtres agraires et politiques. Ces assassinats en famille ont leur raison d'être et ne regardent personne. Mais si nous demandons la révision d'un traité léonin et onéreux, si nous cherchons à nous donner des institutions libérales, si nous voulons nous gouverner chez nous, respirer l'air pur de notre pays longtemps comprimé, le grand journal de Londres et beaucoup de ses confrères de Paris crient « haro » sur nous et nous menacent d'une ruineuse et criminelle intervention. Est-ce là juste ? Non, c'est odieux. Donc, vous voyez, le thème du deux poids, deux mesures, parfaitement exprimé dans cette correspondance d'Égypte de 1882. Alors, Blount, lui, dans la presse britannique, présente Orabi comme étant le Garibaldi égyptien, Garibaldi qui va juste mourir à ce moment-là, étant quasiment une idole européenne à cette partie de l'histoire. Alors, l'entente entre le gouvernement français de Freycinet et le gouvernement de Gladstone, c'est d'essayer de rétablir l'autorité du Khédive en Égypte. Et les Français renoncent à l'idée de la déchéance de Tewfik Pacha et d'une intervention turque. Je passe sur la correspondance. Mais en tout cas, l'effet moral qu'on attendait de l'arrivée de la flotte franco-britannique devant Alexandrie est nul. Et cela ne change rien aux données de la situation égyptienne. Alors, les marins, eux, se trouvent dans une situation où ils n'ont pas d'instruction, ni les consuls d'ailleurs, puisque la seule chose qu'on demande, c'est de bouger que si la sécurité des Européens se trouve en jeu. Alors, on tente de faire une proposition aux officiers égyptiens en disant « Cédez le pouvoir au Khédive et on vous laissera partir avec vos biens à l'extérieur de l'exil. » Donc, c'est ce que, entre autres, le consul de France explique à Orabi Pacha, mais le refuse pas. Au contraire, vous avez une espèce de mouvement d'union nationale en Égypte sous forme de lettres, de pétitions, de notables soutenant Orabi et lui l'adjurant de ne pas céder. C'est un moment où, dans les textes, on voit la fusion entre ce qu'on appelle le parti national, le Hizb al-Watani, et le parti de Dieu, le Hezbollah, fusionner dans les perspectives ou les discours égyptiens. Alors, les Européens espèrent que le président de la Chambre, ce grand propriétaire foncier du Sud, le maître Issaïd, Sultan Pacha, lui pourra agir pour raisonner tout le monde. Mais Sultan comprend qu'il n'a pas les moyens. Une tentative de créer un gouvernement Sharif Pacha échoue à son tour le 27 mai. Et donc, le Khédive, non seulement n'a pas réussi à reprendre le contrôle de l'armée, mais Al-Azhar entre à son tour dans la danse, si j'ose dire, et les Rolamas de l'Azhar, la grande institution religieuse sunnite égyptienne, n'hésite pas à envisager un anathème, un takfir, donc une déclaration comme étant infidèle, destinée au Khédive pour apposer sa déchéance. Et donc, devant la montée des oppositions et le risque d'une condamnation islamique, le Khédive est obligé de s'incliner. Et le 28 mai 1882, Orabi Pacha est chargé, revient au ministère de la guerre. La première question qui va se poser est de savoir si les Égyptiens sont-ils ou non en train de renforcer les fortifications d'Alexandrie. Et dès le 5 juin, le Khédive transmet à Orabi Pacha un message disant qu'il faut pas toucher aux fortifications d'Alexandrie parce que si on y touche, les Anglais vont réagir avec violence. Et Orabi Pacha répond au Khédive qu'il n'y a pas d'inquiétude, qu'on a simplement des travaux d'entretien réguliers qui sont faits aux fortifications d'Alexandrie. Et pas plus, et que ces travaux sont nécessaires pour assurer la protection d'Alexandrie et de l'Égypte. Et l'étape suivante, c'est l'arrivée d'un haut commissaire ottoman Dervish Pacha, chargé en quelque sorte de raccommoder les positions des uns et des autres pour éviter une intervention étrangère. Dervish Pacha arrive au Caire le 8 juin 1882. Abdulhamid ne veut pas d'une intervention militaire ottomane en Égypte. Il n'en a pas les moyens et surtout, ça le ferait paraître être un traître à l'islam et un instrument de la politique européenne. Donc, Dervish essaye de naviguer, si j'ose dire, entre les uns et les autres pour essayer de trouver une solution politique qui irait soit un exil d'Orabie, soit une déposition de Tewfik. Et c'est dans ce contexte que vont se produire les événements d'Alexandrie. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Henri Laurence, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du 19e, aujourd'hui, la question égyptienne et le prestige européen. D'abord, pour comprendre la nature des événements, il faut voir l'évolution d'Alexandrie. Alexandrie, c'est une de ces villes champignons du XIXe siècle liées à l'expansion extrêmement rapide du commerce, puisque, vous voyez, on estime que la population d'Alexandrie était de 8000 habitants en 1798, 12000 en 1821, 52000 en 1835, 110000 en 1848, 200 000 en 1868, et donc vers 1880, de l'ordre de 222 000. C'est la quatrième ville de la Méditerranée à l'époque, après Marseille, Istanbul et Gênes. C'est la, je pense que ces chiffres sont faux parce que Naples doit être aussi quelque part, hein, au rang d'ailleurs, mais bon. Enfin, c'est une des villes importantes de la Méditerranée. Le boom du coton, durant la guerre de sécession, a attiré à Alexandrie une foule de populations hétérogènes, soit venues de toute l'Europe du Sud, des Italiens, des Grecs, des Maltais, etc., soit des Levantins au sens strict, au moyen du terme, c'est-à-dire des Syro-Libanais. Alors, dans les textes, on utilise Levantin soit pour les Syro-Libanais, soit pour l'ensemble de ces populations syro-libanaises et européennes se trouvant en Égypte. Le terme est un peu vague, sauf que ce sont des étrangers, même s'ils sont ottomans dans le cas des syro-libanais. Ces immigrants, en particulier les Grecs et les Italiens et les Maltais, ont une réputation justifiée d'être prompt à la violence et à l'émeute. Les clivages sont à la fois religieux et confessionnels et ils sont prêts à se saisir des armes, d'autant plus qu'ils sont protégés par les capitulations qui les mettent hors de portée de la police égyptienne. Et donc, ça crée une insécurité permanente à Alexandrie. Et quand les Européens se plaignent, les autorités égyptiennes disent « Nous, on n'y peut rien, c'est à votre faute, avec vos capitulations, on n'a pas le droit d'intervenir pour remettre de l'ordre devant ces éléments quasiment hors la loi. En plus de la question religieuse, ces levantins au sens large du terme sont haïs de la population égyptienne parce que c'est eux qui, dans tout le delta du Nil, pratiquent l'usure rurale et harinent la paysannerie égyptienne étant protégée par les capitulations et par les tribunaux mixtes. Alors, les événements du 11 juin 1882 ont été présentés comme le produit d'un complot, soit venu du Khedive, soit des Britanniques, soit du Parti national, et aucune preuve n'a pu être fournie dans ce sens. On ne voit pas pourquoi les nationalistes auraient provoqué des troubles, alors que justement c'était la pire chose qui pouvait se produire pour eux. La piste khediviale a été jugée plus probable, mais incertaine, parce qu'on n'a que des éléments circonstanciels et non pas de preuves définitives. Alors, la ville d'Alexandrie, c'est la ville de Levantin, mais il faut être bien simple, la majorité des habitants sont malgré tout des musulmans égyptiens. Ces Levantins sont haïs, et la tension provoquée par la lutte de pouvoir au Caire s'est évidemment reproduite dans la ville, et facteur supplémentaire de tension, l'arrivée de la flotte franco-britannique au large. Pour les Européens, l'arrivée de la flotte veut dire qu'il y avait bien un danger, parce que s'il n'y avait pas de danger, on n'aurait pas envoyé une flotte pour les protéger. Pour les indigènes, la flotte signifiait une intervention militaire européenne dans un temps très proche. Du coup, les consuls de Grèce et de Grande-Bretagne à Alexandrie ont poussé leurs concitoyens à s'armer devant les risques, parce qu'on a peur d'un massacre. Le 10 juin, Abdallah Nadim, le grand orateur du Parti national État Alexandrie, et fait un grand discours devant 10 000 personnes, s'en prenant violemment aux interventions étrangères et évoquant assez clairement une déposition du Khedive. Mais le soir même, il a quitté la ville pour revenir à Alexandrie. Le 11 juin est un dimanche, donc jour de repos forcé, aussi bien pour les travailleurs indigènes que pour les prolétaires méditerranéens. Alors, on a deux versions du déclenchement des événements. La première, celle donnée par Ninette, qui était à Alexandrie ce jour-là. Donc, je cite le texte de Ninette. « Hier dimanche, vers 2 heures de l'après-midi, au sein d'un quartier très populé et où l'élite des habitants ne passe guère, une querelle eut lieu entre un Maltais, les Maltais sont sujets britanniques, et un ânier, à propos de quelques sous que le premier refusait de payer pour sa monture. On crie beaucoup ici, quelques mots de cru furent échangés. Le Maltais, selon l'usage, maudit la religion du prophète et l'indigène, celle du chrétien. Cela a lieu tous les jours. Sur quoi le Maltais, autorisé à se protéger, sortant un revolver de sa poche, étendit raide mort le bourriquier. La foule était compacte, les brasseries pleines, vous vous imaginez les cris. Aussitôt, les Grecs, armés de couteaux et de pistolets, entrèrent en scène avec quelques calabrais. Les natifs, qui n'avaient que des bâtons, s'en servirent et tapaient rude, pendant que les chrétiens se défendaient. La garde vint, un soldat eut la tête à moitié emportée par un tromblon tiré par un Grec. Arrivèrent les municipaux, c'est-à-dire les policiers municipaux, qui tombaient blessés comme des mouches. Donc ça, c'est la version Ninette, proche d'Arabie. La thèse opposée, je vous citerai le texte du représentant du consul de Grèce qui sur place, qui parle d'affrontement entre des félins porteurs de bâtons et des Européens se défendant avec des poignards. La mort d'un Arabe avait provoqué l'explosion de violence de la part des indigènes. Je cite « La plupart, sans culottes ni souliers, appartenaient à la plus basse classe de la société, celle des Hamal, les porteurs, des âniers, des portiers et des bateliers. Ces cannibales, divisés en diverses bandes, inondèrent peu à peu toute la ville, vomissant contre les chrétiens les pires insultes et criant « mort aux chiens ». Ils avaient comme chef quelques Arabes demi-nus, « arabe » ici signifie « bédouin », tenant à la main un lambeau d'étoffe jaune, soi-disant drapeau, ou une canne de fer dont le bout formait un serpent. Ceux-ci étaient de ces saints africains qui, n'ayant que la ceinture couverte par un chiffon, traversent toute l'Égypte, ne gagnant leur vie que par l'aumône. C'était eux qui donnaient le mot d'ordre de l'attaque contre les Européens qui traversaient les rues, ainsi que du pillage des magasins. Ce qui semble clair, c'est qu'on a des combats qui ont été déclenchés par un incident entre les Maltais et les Grecs d'un côté et les Égyptiens de l'autre, les chrétiens ayant des armes à feu et les Égyptiens n'ayant que des bâtons. Et de ce premier combat, la violence s'est répandue dans l'ensemble de la ville. Et donc, dans tous ces actes, on a à la fois des assassinats, des morts, et en même temps, on a l'inverse, comme souvent des musulmans protégeant des chrétiens contre les émeutiers, parce que les situations sont toujours très contrastées dans ce genre d'événements. Les consuls essayent d'intervenir, mais ils n'ont aucun moyen, et même le consul de Grande-Bretagne est blessé, ainsi que celui d'Italie et de Grèce, et les chrétiens tendent à se réfugier vers les consulats. La gendarmerie locale, les Mustafazines, ont rejoint les émeutiers parce qu'ils se sont fait tirer par les Maltais. Et donc, ils considèrent que les Maltais et les Grecs sont leurs ennemis. Et ce n'est qu'à la fin de la journée que l'armée se trouve en possibilité de rétablir l'ordre, quand seulement des instructions sont venues du Caire pour donner aux militaires l'ordre de reprendre le contrôle de la ville. Alors, le délai doit être compris comme comprenant l'annonce par télégraphe de l'émeute et le temps d'atteindre les responsables. Il y aura un débat postérieur et non résolu, à savoir à qui les premiers télégrammes ont été envoyés, au Khedive ou à Orabi. Il semblerait que Orabi était le dernier à être informé des événements et qu'il a réagi immédiatement. En fait, ce qui complique la situation, c'est qu'on est pratiquement dans une situation de double pouvoir et que les autorités locales ne savent plus à qui s'adresser, entre le Khedive ou entre le ministre de la guerre. Les militaires égyptiens se portent garant d'ordre à condition que la flotte européenne n'intervienne pas. Et les consuls demandent aux amiraux français et anglais de ne prendre aucune précaution apparente. On est dans la modernité, hein, puisque le consulat de Grande-Bretagne est relié par câble au navire de guerre où se trouve l'amiral britannique. Donc, ils se parlent par téléphone. Nous sommes en 1882. Dans la nuit, l'amiral britannique, l'amiral Seymour, S-E-Y-M-O-U-R, c'est un descendant des fameux Seymour du XVIe siècle, vous savez, de la famille des dernières épouses d'Henri VIII, annonce l'envoi d'une force de marins pour protéger le consulat, mais l'arrivée de soldats britanniques pourrait reprovoquer du désordre, et donc les consuls interviennent, et au dernier moment, les marins qui étaient sur le point de débarquer rembarquent et reviennent sur leur bateau. Donc le lendemain, on discute entre le consul et les autorités égyptiennes. Selon le consul de France, à 7 heures, les consuls convoqués chez le gouverneur s'y réunirent en présence des commissaires et des colonels. Ceux-ci répondant toujours de l'ordre, aux mêmes conditions, je déclarais pour ma part que la veille au soir, dès que l'armée eut montré qu'elle pouvait et voulait maintenir l'ordre, je m'étais entendu avec l'amiral français dans ce sens. Le représentant du consul anglais donna des assurances analogues. Une proclamation fut ensuite signée par tous les consuls, exprimant leur confiance dans l'armée et invitant les étrangers au calme et à la prudence. Alors, même si l'armée contrôle le premier port de l'Égypte, la tranquillité n'est absolument pas rétablie. En fait, les événements provoquent une fuite en masse des Européens d'Alexandrie et du coup du reste de l'Égypte, parce que les Européens du reste de l'Égypte affluent vers Alexandrie pour aller s'embarquer sur les navires européens. Le bilan définitif de l'émeute ferait de une cinquantaine d'Européens tués et d'un plus grand nombre d'indigènes. Donc on ne peut pas vraiment parler d'un massacre systématique de chrétiens par des musulmans. Plus le fait que le problème, c'est que pour les Français et les Anglais, ils font quand même une distinction entre les vrais Européens, c'est-à-dire eux, les Européens de l'Ouest, et puis les Européens comme les Grecs ou les Maltais, qui ne sont pas considérés quand même comme des vrais Européens, même s'ils bénéficient des capitulations. On est quand même en 1882. La question est de savoir c'est comment punir, qui sont les coupables et comment les punir. L'étude de la presse anglaise est instructive. Les premiers comptes rendus sont purement factuels. On va même jusqu'à dire qu'il ne faut pas confondre les respectables Européens de l'Ouest avec cette faune interlope d'origine indéfinissable qui se prétend être européenne. De fait, il n'y a eu que 6 Britanniques de naissance tués, dont 3 marins, et que la plupart des autres Européens tués n'ont pu être identifiés, ce qui indique une origine douteuse. Puis progressivement, à ces premières dépêches factuelles, on passe à une théorie du complot, avec un massacre préparé à l'avance en collusion avec les forces de l'ordre qui sont restées inertes, et on multiplie dans la presse le nombre de victimes effectives par plusieurs, donc des 50 morts deviennent plusieurs centaines de morts dans la presse britannique. Donc, tout le monde voit des complots, mais on ne sait pas de qui. C'est le Khedive, les Arabistes, les Britanniques. Les Français considèrent qu'il y a peut-être un complot anglo-turc pour justifier une intervention turque. Il semble qu'en fait, tout simplement, l'émeute a été provoquée par la tension nerveuse, enfin la tension provoquée par les événements qui a monté et la haine très forte entre les Levantins et les indigènes. Au Caire, le Khedive et Darwish Pacha se réunissent avec Sharif et les consuls, puis avec Orabi, pour s'engager à assurer le maintien de l'ordre. Mais c'est un raccommodement de façade parce que maintenant, Tewfik ne compte que sur une seule chose, c'est une intervention militaire européenne pour le rétablir dans son autorité. Puis, le Khedive et Darwish se rendent à Alexandrie. Tewfik se trouve donc maintenant à proximité de la flotte britannique et française, alors que les Européens ne voulaient pas qu'ils soient à proximité, parce que s'ils étaient à proximité, c'était un signe de collusion. Et la tension demeure, parce que si le calme a été rétabli, on ne sait pas si l'émeute ne peut pas reprendre d'un moment ou un autre. On notera pour une chose, c'est un signe intéressant, que l'Allemagne impériale, n'ayant pas de navire de guerre à Alexandrie, a demandé à la France d'assurer la protection des ressortissants allemands, ce que la France républicaine a bien volontiers accepté. Ce qui est un geste intéressant dans l'état des relations franco-allemandes durant la période. Donc, on essaye de multiplier les médiations et de calmer la situation. Néanmoins, le 20 juin 1882, Orabi Pacha entre Alexandrie, applaudi par la population. Et on décide d'une réunion, d'une conférence des ambassadeurs à Constantinople pour régler la situation en Égypte. Puisque dans la question d'Orient, ça se termine toujours, enfin, ça passe toujours par une conférence des ambassadeurs. Ce qu'aujourd'hui on appellerait Genève 1, Genève 2, Genève 3. Ah, bon, à l'époque, ça s'appelle une conférence des ambassadeurs. Car ce qui est en jeu au-delà d'événements, c'est le prestige européen. Comme le dit le consul de France le 20 juin, il y a d'ailleurs un fait capital qui domine toute la situation et on ne saurait trop tenir compte. Le fait, c'est que l'armée égyptienne a pu mépriser les remontrances des deux puissances occidentales et que des Européens ont pu être massacrés en présence des escadres combinées sans qu'il en résultât la moindre conséquence fâcheuse pour les Égyptiens. Il nous est absolument impossible de rester sous le coup de pareilles avanies. Ce serait rendre l'Égypte inhabitable pour les Européens. Je rappelle qu'avanie, c'est un vieux terme, tiré de l'arabe d'ailleurs, qui signifie toutes les méchancetés que les Orientaux font aux Européens dans l'Empire ottoman. Donc c'est passé dans la langue courante en français. Mais au départ, c'est les mauvais sorts que reçoivent les Européens dans l'Empire ottoman. C'est pour ça que dans les textes du XVIIIe siècle, on trouve toujours des formules comme « c'est toujours les mêmes qu'on avanise ». Le consul pose le problème que ce n'est pas simplement des officiers indisciplinés au révolte qui sont en jeu, c'est un mouvement pan-islamique qui risque de s'étendre à toute l'Égypte et au-delà. Donc si on veut arrêter l'explosion pan-islamique, il faut agir de suite. Blount à Londres est informé jour par jour des événements par son représentant Sabounji, l'ancien curé devenu journaliste et professeur d'Aram, qui est aussi le représentant et l'informateur de Blount, et qui donc lui envoie par télégramme. Et dans les télégrammes, Sabounji dit qu'une intervention militaire ottomane provoquerait un soulèvement général de l'Égypte, aussi bien contre les turco-circassiens que contre les Européens. Le problème, c'est que les télégrammes sont toujours lus par les autorités britanniques. Sabounji veut informer Kourabi et son entourage, dont Abdallah Nadim et Mohamed Rabdou, veulent un gouvernement républicain en Égypte. De toute façon, Blount transmet les télégrammes aux autorités britanniques qui les ont lus auparavant, mais ça, c'est pas grave, c'est une question de principe. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter l'historien Henri Laurence, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du 19e, le 4 janvier 2017. Aujourd'hui, la question égyptienne et le prestige européen. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. L'historien a notamment publié « Oriental » aux éditions du CNRS et à la mi-février, il va publier chez Fayard « Les crises d'Orient, questions d'Orient et grands jeux 1768-1914 ». Réalisation Anne Sécheret, présentation Mérine Moneghetti. Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France et aux équipes de la documentation d'actualité. Demain, nous poursuivrons sur la crise égyptienne en 1882 en compagnie d'Henri Laurence. Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.